Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. J'ai toujours rêvé d'être archéologue, profession mythique répondant à quelques questions métaphysiques dont « d'où venons-nous ?». L'archéologie est une des rares disciplines qui offre la science à portée de main. Métier auréolé de mystères et de merveilleux, représenté par quelques chercheurs réels ou imaginaires, l'archéologue dernier aventurier moderne n'est autre qu'un découvreur de civilisations, par essence enfoui, perdu ou disparu. L'engouement a toujours été très fort pour cette science de l'homme et de la société, cette anthropologie du passé qui compte dorénavant 5 à 6 000 archéologues professionnels en France. La vocation naît généralement très jeune, déjà tout petit je rêvais. Mais que savent réellement nos enfants? Que font les archéologues pour accroître la connaissance auprès d'eux? Pour tout savoir sur l'archéologie et nos têtes blondes, Philippe De Carlos, bonjour. Bonjour. Archéologue de formation, vous voici désormais en sciences de l'éducation où vous venez de soutenir votre thèse de doctorat intitulée « Le savoir historique à l'épreuve des représentations sociales, l'exemple de la préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves ». Avant de tout savoir sur le sujet, partons sur un chantier original. Au cœur de Bondy, en Seine-Saint-Denis, une classe de 5e fouille une nécropole sous la direction d'un anthropologue de l'INRAP. Reportage. Monsieur, j'ai bien trouvé. J'ai trouvé ça. Ouais, moi aussi j'ai trouvé un col de céramique. C'est une tuile. Monsieur, je suis sûre qu'il y a un os. Non. Ah non. C'est quoi? C'est du caillou. Encore? C'est quoi les cailloux, madame? Monsieur, ça c'est dire quoi s'il y a un creux comme ça? Ça c'est le creux qui a été fait quand t'as enlevé la tuile. C'est de la tuile. Donc maintenant faut enlever la bosse qui est tout autour. On a peut-être trouvé une dent. Et alors, vous avez trouvé quoi pour l'instant? Rien. Des tuiles, des bouts d'ossements. Nous allons bientôt trouver un squelette. Par contre, c'est quelqu'un ici. Vous pensez que vous allez trouver un squelette? Peut-être, bien sûr. Rien n'est impossible. Et il est où le squelette? Il est là-bas. Peut-être par ici. On a trouvé des dents vers là-bas, donc on espère trouver un squelette. Et pourquoi on trouve que des dents pour l'instant? Parce qu'on n'a pas assez fouillé. Il n'y en a pas assez fouillé. C'est la première fois. Et c'est la première fois que nous faisons ça, donc nous allons creuser un petit peu plus pour voir si nous trouvons quelque chose. Et c'est pas trop fatigant? Non, pas du tout, c'est un plaisir. Quand tu vois des bouts d'os, elle a mal. Et t'aimes bien trouver rien du tout, pas grand-chose pour l'instant? Non. Le fait que tu trouves pas encore grand-chose, ça te gêne pas? Non, ça m'encourage à aller chercher plus au fond. Et alors c'est quoi l'archéologie? Tu sais ce que c'est? Oui, c'est on fouille dans un endroit qui a été habité et on cherche s'il y a des animaux, des squelettes humains, des trucs comme ça. Des fours, des chaudrons, des fois on peut trouver des cimetières, des fois on peut trouver des trous où ils mettaient des ponts pour les maisons, on peut trouver plein de choses comme ça. Et alors là c'est tout en creux, non? C'est que il y a des trous, tout est jaune et puis d'un seul coup c'est noir, et puis il y a des trous, c'est ça? Oui, quand c'est jaune et quand c'est marron, c'est pour pouvoir montrer la délimitation, quand c'est blanc et quand c'est jaune, ça veut dire que ça n'a pas été creusé, mais quand c'est noir, ça veut dire que ça a été creusé et rebouché. C'est pas parce que... D'accord, donc tu enlèves le noir et tu vas trouver des choses. J'espère trouver des choses. Et t'aimerais être archéologue? Oui, ça peut être possible. T'aimes bien l'histoire? Oui, j'aime bien la préhistoire. La préhistoire surtout? Oui. Les dinosaures? Oui. Il n'y a pas de dinosaures ici? Bah peut-être, mais comme on va creuser jusqu'à là où ils ont besoin, par exemple si c'est 10 mètres, on creuse 10 mètres et pas plus. Quand on creusera 100 mètres, on verra s'il y a un dinosaure en bas. Bon, on continue, je repasse en devoir. Elle est pas nous. C'est Jennifer Morera-Montero qui a parlé. Hein. J'arrive bien à dégager, c'est bien. Tu vas paraître le deuxième os, tu vois ici en dessous là. Voilà. L'une là, le deuxième. Tu permets de bouger la main comme ça en fait. C'est pivot en fait dans ton avant-bras. Ouais, vas-y, fais comme ça. Pousse l'avant-bras puis tourne ta main. Tu vois que ça bouge, parce que c'est les deux qui font bouger en fait. Et c'est de petites poulies en fait au niveau du coude. C'est quand même bien fait. Hein. On a fouillé à Tremblay en France, à Saint-Denis, à Paris. Toutes les sépultures gallo-romaines ont à chaque fois des objets en céramique, des fibules, des plaques-boucles, des chaussures. Ici, on a une des rares nécropoles sans mobilier. Il y a un texte du VIe siècle qui dit que donc une femme riche de Paris avait fait un don à la communauté de frères de Bondy. Donc un don en charrette de bœufs, de vêtements, tout ça. Et donc on imagine que peut-être il y aurait une communauté un peu spécifique, un peu liée à la religion, qui habiterait Bondy au 5e, 6e siècle. Donc peut-être que ça peut être lié directement à ça en fait, qu'il y a un statut particulier aux gens de Bondy à cette époque-là. Il faut encore davantage percer le mystère pour comprendre réellement à quoi on a affaire. Mais c'est un cas assez rare justement comme ça. Et ils sont déjà chrétiens ? Donc alors la chrétienté arrive doucement en fait à cette période-là, 4e, 5e, on commence à avoir des choses qui apparaissent, et donc ça apparaît bien réellement après au 6e siècle chez les Mérovingiens, mais à cette époque-là on est vraiment entre les deux, on est entre l'arrivée du christianisme et encore la présence de paganisme assez important dans nos régions. Là pourtant le squelette est bien posé sur le dos, donc on serait plutôt sur un phénomène de chrétienté. Donc ça en fait c'est un peu cavalier, parce que des fois on a des squelettes bien posés sur le dos qui sont donc en décubitus, qui sont orientés est-ouest, tête à l'ouest, mais on a parfois des squelettes qui vont dévier de position, qui vont être enterrés un peu différemment, donc c'est pas un critère pour dater chronologiquement, ni pour apporter un élément de réponse quant à la religion de l'individu. Non, ça c'est un petit caillou ça. Ouais, alors, ça aurait pu être un caillot peut-être ou alors une calcification, mais non, on trouve des fois des côtes un peu calcifiées. Un petit bout de charbon, ce sera dans le petit sac. Ouais, tu vois, après, si tu manques un peu de place, hop, on va dire nettoyer la tunnel. Je vais faire comme ça, tu vois, pour libérer un peu d'espace. Tu vois, pour te mettre un peu à plat, tu vois, ça enlève du coup un grand coup la terre et permettant de dégager, en fait. Là, on a le bassin là, tu vois ce qui est ici, en fait. Là, voilà. Tu as travailler correctement. C'est le fois-ci. Qu'est-ce que l'on sait de ce chantier archéologique ? Beaucoup de choses ? Donc en fait, on fouille depuis 10 ans dans le coin, donc à force on arrive à tricoter l'histoire complètement dans tout le secteur. Donc au fur et à mesure des fouilles, on a quand même pu mettre au jour 1000 sépultures qui vont de l'an 300 à l'an 1700. Donc on a toutes les différentes nécropoles successives. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a à la fois l'habitat qui va avec. Donc on a le monde des vivants, symbolisé par les maisons, par les zones artisanales, également le monde des morts, manifesté par justement toutes les sépultures qu'on a pu mettre au jour depuis 10 ans. Donc là, à côté où il y a des bâtiments, vous l'avez déjà fouillé ? On a déjà fouillé, donc partout autour de nous, c'est complètement fouillé, sauf justement le coin où on était qui nous manquait. Et donc on a fouillé près de 2 hectares en centre-ville. Donc on essaye progressivement à chaque fois d'intervenir sur toute parcelle en construction. Et même la loi impose ça en fait. Donc de fait, on intervient à chaque fois partout. Et donc là, c'était la seule partie qui nous manquait, oui. Alors pourquoi faire venir des enfants ? Donc ça, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, justement, de faire de l'archéologie une chose du quotidien, en fait, où les gamins qui passaient dans le coin pourraient venir fouiller. Ça arrivait pendant l'été où on fouillait à côté. Des gamins ont dit « Est-ce qu'on peut venir comme ça pour rigoler ?» Je leur ai dit « Bah bien sûr, venez !» Ils ont pris une truelle, une pelle, et puis ils ont pu fouiller avec nous, justement, pour dégager des choses. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit « Pourquoi pas travailler avec un plus grand nombre d'enfants ?» Et donc, il y avait le projet, justement, Seine-Saint-Denis, où il y avait des résidences in situ, où donc le collège accueillait des chercheurs ou des artistes. Et donc là, ça n'a pas raté. On avait une fouille abondie fin 2015. On avait une classe de libre fin 2015 et donc on s'est dit tiens banco, venons faire fouiller les enfants de Bondy sur leur site à eux en fait, donc de Bondy réellement en fait. C'est leur histoire ? Donc alors c'est plus ou moins leur histoire, mais c'est surtout leur territoire en fait. On ne parle pas forcément d'ancêtres là, on parle de gens qui ont vécu ici et eux-mêmes vivent ici. Peu importe c'est de leur famille, peu importe c'est des anciens descendants. Ce qu'on veut juste c'est qu'on fouille la partie qui nous appartient de notre secteur. Combien de tombes vous allez fouiller à peu près là ? Donc là, en fait, on a repéré au décapage environ une quinzaine de sépultures. Donc comme à chaque fois, les tombes sont plus dures à voir que le reste, on va sûrement arriver à 20-30 sépultures, en fait. Donc des tombes de femmes, d'hommes, d'enfants, et principalement de l'époque gallo-romaine. Et les enfants vont faire tout le processus après la fouille aussi ? Mais ça qui est vachement intéressant, c'est que du coup, il y a à la fois la phase de fouille, la phase de terrain, et ensuite la phase de laboratoire, où les enfants vont pouvoir laver le matériel à la main avec une brosse à dents, vont pouvoir également après dater des choses avec des spécialistes, pouvoir dessiner les céramiques, vont pouvoir prendre des photos des objets, et après on va tricoter ensemble le rapport de fouille, et donc on va pouvoir comme ça présenter le rapport à la ville de Bondy, faire une petite conférence en mairie pour tout le monde. Avec les enfants ? Avec les enfants qui vont présenter eux-mêmes en fait leurs résultats. Donc ils vont présenter leur archéologie et leur vision de l'archéologie. Exactement, ils vont pouvoir tout montrer ce qu'ils ont fait avec photos à l'appui, avec dessins à l'appui, de leurs travaux à eux au fur et à mesure. Et entre nous, leur faire fouiller des squelettes ? Ben, entre nous, ben, en fait, un squelette, c'est avant tout, donc, en effet, un être humain. Il a été inhumé dans cette partie-là. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de religion qui rentre dans l'affaire. C'est juste, en fait, un face-à-face entre un vivant et un mort. Et donc, le mort peut parler. On peut découvrir beaucoup de choses dessus. À la fois, comment les gens qui vivaient avec lui l'ont enterré. Et à la fois, comment lui vivait. Donc, c'est un peu un regard qu'on a sur la mort d'avant. Et c'est souvent rassurant, en fait, pour un vivant de savoir que les morts étaient soignés. Et que même nous, 2000 ans après, on soigne le mort. Cyril Le Forestier, j'ai souvenir d'un de vos chantiers absolument extraordinaire, l'hôpital Avicenne. Ah. L'hôpital Avicenne avec des malades, des médecins et aussi des morts. Justement, donc c'est un très bon exemple, c'est qu'on était en plein cœur d'un hôpital, on avait souvent des gens atteints de cancer qui venaient nous voir, des gens gravement malades, et donc ils nous disaient que ça les rassurait beaucoup de voir tous ces morts devant leurs fenêtres, puisqu'ils nous voyaient fouiller très délicatement, prélever les corps très délicatement, donc ça les rassurait que même après la mort, même 2300 ans après leur décès, on soigne autant les gens que ça. Et donc par leur vision par rapport à la mort les confortait justement d'avoir un tel soin apporté à un défunt. On a un respect quand on fouille une tombe ? On a entièrement un respect parce que du coup, l'individu a été choyé dans la mort, comme sûrement aussi de son vivant, donc choyé dans la sépulture. Donc nous, quand on va exhumer le corps, on va également le choyer. Puis surtout, c'est que ça permet également d'apprendre beaucoup de choses sur eux après. Donc plus on le soigne à la fouille, plus on va découvrir de choses sur leur vie quand ils étaient vivants. Ce n'est pas qu'un objet technique, hein. Une méthode, une pratique. Non, on aura beau dire que le squelette est un objet archéologique, malgré tout, il y a un statut particulier du squelette, puisqu'il apporte beaucoup de choses, et parce que surtout, il a été vivant. Donc souvent, quand les gens viennent voir les chantiers où il y a des sépultures, toujours au départ, un petit rejet, toujours une petite surprise au départ. Assez rapidement, le rejet s'estompe pour justement une compréhension et pour une envie de connaître ces gens-là, en fait. Et vous pensez que certains n'auront pas de cauchemar cette nuit ? Je suis même sûr qu'ils n'auront pas de cauchemar, qu'ils auront envie de revenir pour fouiller deux squelettes avec nous. Alors les garçons, qu'est-ce que vous trouvez de beau ? Moi, j'ai trouvé une dent de chien, enfin, je crois. J'ai trouvé du marbre. J'ai trouvé des os. Quels os ? Je sais pas, mais des gros comme ça, là, dans le sachet. Oh là là ! Ça, c'est plus gros. C'est plus gros. Et j'en ai encore trouvé. Là, c'est du marbre. Vous pensez que c'est humain, ça ? Non, c'est animal. Animal, c'est... Ah, c'est du quoi ? On sait pas encore. Du chien, ça, c'est du chat, du... Ça peut être que domestique. Vous savez ce que c'est ? Non, je sais pas ce que c'est animal, c'est sûr, mais on... avec un fragment comme ça, c'est difficile à dire. Et ça avance la fouille là ? Vous allez trouver quoi au fond ? À part de la terre noire, qu'est-ce que vous allez trouver ? De la terre jaune. De la terre jaune, voilà. Et des cailloux. Et des cailloux. La première chose que l'on va faire, c'est de repérer tous les os qui étaient présents dans la tombe, hein, qui ont été conservés. Et donc, l'exercice que je te demande de faire, c'est d'essayer de reconnaître les os qui sont présents, là, et de les colorier, donc en noir, quand tu les reconnais. D'accord ? Alors, tu as le droit de t'approcher, parce qu'il y a des os qu'on reconnaît difficilement de loin. Et si tu as un problème, tu me demandes. Je les colorie en noir ou... Voilà, tu les colories, tu remplis le... Alors, okay. Il ne s'agit pas, c'est pas grave si tu colories de façon sommaire, hein, tu fais voilà, simplement qu'on voit que okay. Voilà, tu remplis le dessin. Boris Valentin, vous êtes professeur de préhistoire à la Sorbonne, à Paris hein, même. Des enfants d'une classe de 5e de Bondy fouillent actuellement des squelettes, vous êtes venu les voir. Ce sont vos futurs étudiants ? Pourquoi pas ? C'est très rare aujourd'hui d'avoir l'opportunité en France de commencer à fouiller si tôt. Il y a très peu de chantiers maintenant qui accueillent des enfants. C'était le cas à mon époque. Moi, j'ai pu commencer à fouiller à 14 ans et demi, donc c'est pas très loin. Et une suite de circonstances et le déclenchement d'une passion. J'en ai vu des très passionnés. J'en ai vu surtout des très très attentifs, très impliqués dans leur travail. Ça m'a beaucoup ému. Je me suis un peu revu en fait, hein, parce que j'étais... je ne m'étais pas laissé déborder par mes émotions. Les émotions sont venues plutôt après. J'étais plutôt méticuleux, comme eux. Ils sont très méticuleux. Ils fouillent à côté de squelettes, presque un peu blasés. Ça les dérange pas, la proximité des vieux ancêtres. Voilà, ils sont tous à leur tâche. Et moi, je trouve ça très émouvant. Alors moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que l'archéologie s'est professionnalisée dans les années 70-80. Elle s'est totalement coupée de nos concitoyens. Aujourd'hui, elle tente de faire un retour en force, de revenir, de faire connaître ses résultats. Et ça, c'est une méthode comme une autre. Alors, c'est une méthode. C'est ça qu'il faut faire. C'est un, deux, trois bondis, comme on disait autrefois. Moi, je rêve, par exemple, d'une chose depuis quelques temps, et j'incite mes étudiants à le faire. J'aurai pas le temps de le faire, c'est faire quelque chose qui pourrait ressembler au conservatoire qui existe en matière de musique, hein, quand on voit toute l'activité de nos concitoyens, d'activité d'amateurs, j'aime pas trop ce mot, de bénévoles, de passionnés en matière musicale, autour des conservatoires, eh bien pourquoi ne pas rêver et passons du rêve à l'application, à des conservatoires d'archéologie à l'échelle territoriale qui pourraient donc fédérer l'action des professionnels de plus en plus nombreux aujourd'hui, des étudiants, et puis de tous les bénévoles passionnés qui peuvent être attirés par cette pratique. Là, j'ai rencontré aussi des enseignants qui sont totalement passionnés. Donc, toutes les forces existent. Il suffit maintenant de reconstruire ce tissu qui existait autrefois avec les sociétés savantes, etc. Fabriquons des conservatoires d'archéologie à l'échelle territoriale. Parce que c'était les associations loi 1901 d'archéologie qui florissaient un peu partout avant, où il y avait le médecin, le plombier, éventuellement le curé, et puis le gamin. Nous venons de là, effectivement. Société préhistorique française, je parle pour moi, qui suis préhistorien, notre association de référence avec son bulletin, qui est maintenant internationalement connu, etc. C'est une association 1901, et c'est tout ce qu'on vient de décrire. Les érudits de l'époque hein, qui se sont mis ensemble pour fabriquer la préhistoire d'aujourd'hui. Donc, dans un sens, c'est le retour de l'amateur, de celui qui vit pour ça, et non pas du bénévole, qui ne vit pas de ça. Alors moi, il y a amateur, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est malheureusement mal connoté. Alors il y a une formule que j'aimais beaucoup de mon collègue Pierre Gouletker qui était libre chercheur. Car c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut recréer. Je ne dis pas que la passion a disparu dans la professionnalisation. Il y a encore plein de passionnés, nous sommes nombreux à être passionnés. Mais voilà, il y a des routines qui se sont installées, etc. Et on a besoin de ce moteur, ce dynamisant. Moi, je repars dynamisé de ce que j'ai vu cet après-midi. Boris Valentin, vos étudiants, pourquoi viennent-ils suivre vos cours de préhistoire ? C'est difficile pour moi de savoir, de ne pas plaquer sur eux mes propres motivations. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est très attirant dans notre discipline, et on en parlait tout à l'heure avec un certain nombre d'archéologues ici présents, c'est l'aspect transdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est un savoir qui mobilise de très nombreuses connaissances. Donc ça, je pense que ça peut être une motivation très forte. Et je reviens aussi à des choses auxquelles j'ai réfléchi là, cet après-midi. C'est un métier qui fait mentir la séparation stupide entre travail intellectuel et travail manuel. On est là, c'est ce que j'ai vu tout l'après-midi, justement, et j'en parlais avec un enseignant de mathématiques ici même, en collège, qui me disait, oui, les gosses sont heureux parce qu'ils pensent avec leurs mains. Hein, ça, je traduis. Et je pense que c'est ça aussi qui est très chouette avec l'archéologie. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Philippe de Carlos, l'expérience est originale, rien ne vaut le terrain et la découverte de la pratique archéologique pour comprendre cette discipline ? Bien écoutez, oui, et j'ai écouté avec attention votre reportage passionnant et je pense j'ai envie de rebondir sur plein de points. Effectivement, d'abord, j'entendais Boris Valentin dire que c'était interdisciplinaire et effectivement, à l'école par exemple, l'intérêt de l'archéologie, de la fouille archéologique, c'est que ça permet d'aborder une connaissance à travers du français, puisqu'à un moment donné, on va devoir écrire son texte, faire un rapport, mais aussi à travers les mathématiques, on a des repères orthonormés, à travers de la géologie, à travers de la biologie, et donc finalement, c'est une façon de travailler en pédagogie de projet. Et d'arriver à motiver les élèves, et ça me fait rebondir sur la notion de plaisir, parce qu'à un moment donné, les élèves ont dit moi, c'est génial, ça me fait plaisir, on a envie. Enfin, on voyait qu'ils étaient motivés. Et toute pédagogie est obligée de passer par de la motivation qui, parfois, peut manquer à l'école. Alors, l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait de vouloir trouver des objets. Alors, évidemment, au début, les enfants, leur objectif, c'est de trouver quelque chose. Et là, on a entendu des dents, des squelettes, etc. Des cailloux aussi. Des cailloux, voilà. Ou de rien trouver, des fois aussi, ça peut gêner. Là, à l'occurrence, l'élève n'avait pas l'air très tellement gêné. Mais moi, pour avoir fait des classes patrimoine archéologie ou des colonies de vacances à Brande, d'ailleurs, sur un site médiéval, on voit que des fois, les élèves trouvent pas, ils sont un peu ennuyés. Donc, il faut leur expliquer, d'ailleurs, que ne pas trouver est intéressant. Mais aussi, finalement, ce qui est intéressant, c'est que très vite, on va dépasser la chasse au trésor et que les élèves vont vite comprendre qu'en fait, c'est une démarche. Et que l'archéologie, avant tout, d'accord, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a une technique, la fouille, mais que l'archéologie ne se résume pas à ça et que derrière, finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est comment se construit la connaissance. Et c'est là que ça prend tout son sens à l'école parce que enseigner l'histoire, et notamment à travers l'archéologie, par exemple, la préhistoire, puisque c'est une période où il n'y a pas de documents, c'est justement comprendre comment les scientifiques et comment la science produit des contenus et que ces contenus n'arrivent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Alors, deuxième chose aussi qui m'avait intéressé, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu des élèves parler de dinosaures, etc., alors qu'on était sur un site du début du Moyen-Âge, voilà. Alors effectivement, ça aussi, on voit qu'à travers l'archéologie et donc cette discipline-là, vont se confronter à la fois les notions scientifiques et les représentations sociales, c'est-à-dire toutes ces représentations communes, partagées, qui nous sont transmises depuis même le 19e siècle maintenant. Alors on a les dinosaures, on a les singes, on a plein de choses qui remontent à la surface, là, et on a plein d'images tous, l'homme dans la grotte, etc. Et puis finalement, la réalité du terrain, qui est autre, puisque l'archéologue est celui qui fouille, ben il est confronté à des données, en fait, à des faits. Et c'est là que, à travers l'étude de ces faits, on va se rendre compte que, ben non, l'archéologie est une science et que c'est pas un mythe. Philippe De Carlo, je rappelle que vous venez de soutenir une thèse sur l'archéologie et le milieu scolaire. Reste à savoir ce que connaissent les enfants. Pas grand-chose, du moins du savoir savant. Alors, c'est vrai que, notamment à travers le travail de thèse que j'ai réalisé, on se rend compte que, malheureusement, l'effet de l'enseignement reste marginal et que le savoir savant, en fait, est très éloigné par rapport au savoir qui est appris et acquis par les élèves, qui est plus de l'ordre de la représentation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves vont à l'école, on leur donne une connaissance, mais cette connaissance, finalement, est filtrée. Et le filtre social l'emporte sur la connaissance réelle liée à la science. C'est quoi le filtre social ? Le filtre social, il intervient de différentes façons. Ça peut être la catégorie socio-professionnelle qui va jouer sur la façon d'appréhender quelque chose. Ça peut être l'implantation géographique, le type de pédagogie qu'on va avoir à l'école. Mais c'est surtout aussi la question du genre qui peut intervenir. Et puis, en fait, c'est surtout cet héritage qu'on a. Et donc là, c'est ces représentations qu'on traîne, en fait, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, le 19e, le début du 20e, qui fait qu'on partage avec l'ensemble des individus de notre société une façon de penser, une façon de voir, finalement, un thème qui va être la préhistoire ou l'homme de Cro-Magnon. La préhistoire en milieu scolaire, à qui la faute ? Les manuels scolaires, bien sûr trop lourds, mais ineptes pour le passé, notamment très lointain ? Alors, les manuels scolaires, effectivement, mériteraient d'être repensés. Parce que l'étude que j'ai faite sur 13 manuels scolaires montre que les contenus sont très éloignés du savoir savant et qu'ils sont même plus proches du savoir social et donc de la pensée commune, on va dire. Et en plus, ils sont présentés d'une certaine façon qui ne correspond pas à la façon dont la recherche archéologique produit la connaissance. Donc là, il y aurait intérêt à revoir finalement ces manuels et à proposer un contenu non seulement adapté, mais surtout de montrer comment cette connaissance est produite et peut-être à faire réaliser ces manuels en collaboration avec des archéologues ou des médiateurs culturels spécialisés dans le domaine et peut-être pas forcément d'ailleurs que des historiens. Cela vient du fait, par exemple, de l'âge des rédacteurs qui ne connaissent pas ou n'intègrent pas l'archéologie. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a les impératifs des éditeurs et par exemple, on voit bien qu'il y a des images, des représentations d'hommes préhistoriques dans des grottes qu'on retrouve pendant 10 ans dans les différents manuels, donc les différentes éditions. Donc ça contribue à créer une représentation aussi sur plusieurs générations. Et je pense que là, il y a très clairement une question économique. Et puis, il y a effectivement les représentations des auteurs qui jouent, alors par leur formation, ce sont essentiellement des historiens. Donc évidemment, l'approche historienne qui est très intéressante aussi hein, et qu'il faut pas du tout rejeter parce que l'archéologie et l'histoire ont beaucoup de choses à mettre en commun. Mais c'est essentiellement une approche historienne qui peut-être pour la période de la préhistoire n'est pas forcément la plus adaptée. C'est un échec en quelque sorte pour vous ? Un échec, alors... Si on regarde les résultats des questionnaires que j'ai passés aux élèves, on peut voir que effectivement, en termes de connaissances ou de représentation, on est assez loin de ce qu'on pourrait, en tant que peut-être pédagogue ou formateur ou médiateur, attendre. Maintenant, je pense pas qu'il faille parler d'échec. En fait, je pense qu'il faut surtout... ça montre que l'apprentissage n'est pas simple. Que en termes didactiques, il faut vraiment travailler sur des outils, des méthodes et se référer à un savoir savant plus adapté. Et que là, il y a vraiment tout à construire, à la fois en partenariat avec les enseignants et les chercheurs. Comment les 725 enfants que vous avez interrogés se représentent-ils l'homme de Cro-Magnon ? Vous et moi, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que, d'abord, souvent, ils sont pas toujours très conscients que le Cro-Magnon est vous et moi. Et alors, c'est vrai qu'on est plus dans les images un peu d'Épinal, où finalement on est face à un homme plutôt poilu, plutôt rustre, qui vit dans une grotte, qui fait du feu, qui chasse le mammouth. Par contre, une femme beaucoup plus raffinée, plus intelligente, plus douce. Et puis, un climat par contre incertain. Parce que là, la question du climat, d'ailleurs, c'est vraiment une représentation floue chez les élèves. Et d'ailleurs, dans les manuels scolaires, on n'en parle quasiment pas et le climat n'est quasiment pas représenté. Alors, j'ai regardé les réponses. C'est en général tempéré, voire tropical, même quelquefois. Voilà. Alors, c'est plutôt chaud. Ils mettent plutôt des pagnes, d'ailleurs. Donc, les choses de cours, voilà. Alors qu'évidemment, on sait tous qu'au paléolithique, c'est pas tellement le climat qui existe. Et oui, mais en fait, tout simplement parce que je pense que comme il y a pas d'informations scientifiques dessus, sur ce thème, ni dans les ouvrages, ni sans doute transmis par les enseignants, parce que c'est un thème difficile. Et il faut voir que la préhistoire, il y a beaucoup de climats qui se succèdent et que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Donc une faune qui bouge et une flore qui change. Et ça, ce sont des données complexes à didactiser, à rendre pédagogiques. Donc du coup, à la fois pour les enseignants, pour les manuels, pour tout le monde, c'est compliqué. Et à la fin, finalement, on a une représentation qui reste floue et molle. Ce qui est intéressant dans cette perception des enfants, c'est que cette préhistoire ancienne est vue comme un temps de violence. Alors, oui, de barbarie, disons-le. Complètement. Et alors, ça, c'est à la fois la faute, je dirais, enfin, aux représentations sociales, c'est vraiment l'héritage du 19e siècle. On voit l'homme préhistorique, barbare, violent, c'est le gorille, celui qui enlève la femme, c'est un peu King Kong, enfin voilà. Donc, il fait la guerre. Et là, la guerre, c'est une notion qui est présente chez beaucoup d'élèves, alors qu'au paléolithique, a priori, il n'y a toujours pas de preuves qui vont en ce sens. Et du coup, c'est aussi valorisé à travers les manuels, parce que on voit que le paléolithique est une période de pénurie, de difficulté pour le pauvre Cro-Magnon qui essaye de survivre, de manger, de se protéger, etc. Par contre, arrive le néolithique. Et là, avec l'agriculture, l'élevage et tout, c'est au miracle. Et tout d'un coup, on a un vrai changement. Et on valorise quoi? L'apparition de l'État. Sauf qu'on oublie de préciser dans les manuels scolaires, et d'ailleurs on le dit jamais, qu'il y a les premières fortifications, là il y a les premières guerres pour de vrai, avec les massacres collectifs, que c'est l'arrivée d'une organisation hiérarchique avec la domination d'une minorité sur une majorité, que les gens sont obligés de manger la même chose, qu'il y a des épidémies, des maladies qui apparaissent à grande échelle. Enfin voilà, et tout ça n'apparaît pas du tout dans les ouvrages, dans les manuels scolaires. Et puis le travail est plus. Et de travailler plus, parce qu'effectivement, il y a plusieurs études qui montrent qu'a priori, au paléolithique, on travaillait 3-4 heures par jour, qu'on avait donc du temps pour les loisirs, ce qui n'est pas le cas maintenant, parce qu'on se rend bien compte que même avec nos histoires de 35 heures, on est bien au-dessus de ces 4 heures par jour. Donc la préhistoire de nos enfants est un âge, on va dire, insécure, entre guillemets, loin de l'âge d'abondance véhiculé, par exemple, par un anthropologue comme Marshall Salins, anthropologue américain, qui voit une préhistoire non pas comme un âge d'or, mais comme un âge d'abondance. Tout à fait. Et en fait, on ne présente pas du tout le paléolithique supérieur, en tout cas, comme un âge d'abondance, mais plutôt comme une période difficile pour l'homme. Et je crois que là, pour le coup, c'est aussi une idéologie qui est véhiculée, finalement. Alors, malgré les enseignants, malgré eux, parce qu'ils ils se rendent pas forcément compte, eux-mêmes, n'ayant pas forcément les connaissances et la capacité à discriminer le savoir qui leur est donné à la fois dans les manuels scolaires ou dans les médias. Et puis, les bras m'en tombent, j'apprends que la préhistoire, celle qui nous fait rêver, va disparaître de l'école primaire. Et oui, alors il va y avoir des changements. Elle avait déjà disparu au collège, elle restait en CE2, puisque c'était la seule année où on pouvait apprendre la préhistoire. Et maintenant, la préhistoire va passer donc en 6e. Que faut-il faire, en deux mots C'est aux archéologues aussi de se mettre un peu au travail. Alors, moi je pense qu'effectivement, ça pourrait être toujours intéressant que les archéologues ou les médiateurs culturels spécialisés en archéologie et en préhistoire apportent aussi leurs connaissances et leur savoir-faire dans le monde de l'enseignement, qu'il y ait vraiment un travail de collaboration, parce que je crois que tout le monde peut y gagner. Et on a bien vu à travers votre reportage que finalement, une pratique éclairée avec derrière une vraie réflexion didactique peut permettre aux enfants de construire un savoir rationalisé et moins un savoir issu des représentations sociales. Philippe de Carlos, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Michel Mestre et avec la collaboration de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver sur le site inrap.fr plus de 300 archives de l'émission.